Nous avons un entretien avec l'économiste Yannick Marcille sur l'économie de la peur en première partie d'émission. Puis nous recevons l'essayiste Bernard Rioux à propos de l'ouvrage Le printemps des carrés rouges en deuxième partie d'émission. Bonjour à tous, c'est Michel Monette qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. Le Grain de sable, je vous le rappelle, c'est de la musique engagée. C'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Il y a quelques semaines, j'ai contacté l'économiste Yannick Marcille, avec qui nous avions eu un entretien le 22 septembre dernier sur les résultats de la dernière élection au Québec et pour lui proposer de traiter, à quelques jours de l'Halloween, de l'économie de la peur. Je le remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. J'en parle avec lui après l'écoute de la chanson « Bon lieu » des Colocs. C'était les Colocs, groupe mythique s'il en est un, dans la chanson « Bon lieu ». Bonjour, bonjour Yannick Marcille. Oui, bonjour. Quelle belle façon d'introduire le sujet d'aujourd'hui, c'est que cette chanson des Colocs, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Yannick Marcil, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes économiste, que vous tenez un blog sur le site Voir et que vous êtes chercheur, conférencier et formateur. La peur de l'économie. J'ai envie de vous demander dans un premier temps si on peut faire l'économie de la peur quand il est question d'économie. Bien, je pense que de façon très immédiate, il y a effectivement une économie de la peur, voire une industrie de la peur. Bon, le Halloween s'en vient, on peut dire qu'on table on sur la peur. Oui, on est dedans, là. Oui, exactement, pour vendre toutes sortes de bébelles, mais bon, ça c'est un peu anecdotique et plaisant, mais il y a quand même toute une industrie de la peur, entre guillemets, quand on pense, par exemple, aux produits d'assurance, d'épargne, hein, on table sur la peur, sur la crainte des gens de perdre leur maison, de voir leur voyage annulé, etc., pour leur vendre des assurances ou les inciter à épargner. De façon plus globale également, il y a toute une industrie de gestion du risque, de gestion de la qualité qui est en fait, hein, qui table sur la crainte qu'on a de ne pas être capable de livrer la marchandise dans le cas d'une entreprise. Donc, il y a effectivement toute une industrie qui est basée sur une rhétorique, sinon même une idéologie. Donc, à cet égard-là, c'est du marketing, hein, c'est du marketing de la peur. Cependant, c'est aussi un outil, cette idéologie ou cette rhétorique-là, c'est un outil de pouvoir. Hein. Hobbes disait, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme et que l'État doit le protéger. Donc, on doit se soumettre au pouvoir de l'État pour se protéger de la peur d'être attaqué par nos semblables, en quelque sorte. Et ce mécanisme de pouvoir-là, en quelque sorte, nous force à nous assujettir, à être assujettis à ce pouvoir. Et l'économie récupère un peu ce genre de mécanisme-là. Pas seulement l'économie, il y a l'idéologie aussi, hein? On pense à toute cette controverse autour de l'augmentation de l'impôt, là, récemment. Absolument. Donc, quand Jean-Marc Fournier parlait de la fameuse angoisse fiscale, il n'est pas le seul à utiliser ce genre de rhétorique-là. On suffisait d'écouter les débats entre Romney et Obama dans les dernières semaines pour voir comment à peu près tout le discours est orienté autour de la peur d'une récession, la peur de la concurrence étrangère, en l'occurrence la Chine. Je parle au point de vue économique strictement parce qu'il y avait aussi la peur politique de la guerre, donc de l'agression. Donc effectivement, c'est une rhétorique idéologique qui sert à imposer des agendas, excusez-moi l'anglicisme, donc des agendas politiques en termes économiques. Donc néolibéraux, disons-le, pour le nommer, là, pour faire simple en tout cas, comme lorsqu'on parle d'angoisse fiscale, effectivement. Oui, on avait la même chose du côté de certains régimes autoritaires. C'est un peu cette utilisation de l'idéologie, c'est universel, finalement. Oui, absolument. Puis ça sert à une seule et même fin, c'est asseoir et garantir le pouvoir de ceux qui l'ont, hein, évidemment. Donc c'est un outil rhétorique extrêmement fort parce que ça vient chercher des émotions qui sont très, très, très profondes en nous. Oui, d'ailleurs, parlant d'émotion, la peur, ça peut quand même être un sentiment positif. Vous l'avez évoqué, vous avez parlé d'épargne. Dans la vie de tous les jours, grâce à elle, nos réflexes sont en éveil, on peut se préparer à faire face à un danger. Mais quel rôle joue la peur plus globalement dans les relations économiques? Bien, effectivement, ça ne veut pas dire que... Donc, on peut même en parler sans porter un jugement moral, mais il faut être conscient que les relations économiques sont aussi des relations de pouvoir. Hein. C'est pas désincarné. Hein. Et donc, puisque ce sont également des relations de pouvoir, elles intègrent elles également dans leur propre dynamique ce recours à la rhétorique de la peur, mais même à une espèce de cristallisation dans les relations économiques de la peur. Pardonnez-moi, Yannick, mais la commission Charbonneau en donne un bon exemple présentement. Ben absolument, hein, exactement. On voit à quel point la soumission, là c'est encore plus, c'est quasiment brutal, hein, parce que les malversations criminelles qui sont avérées dans cette commission utilisent directement l'argument de la peur, mais même dans les catégories, dans la dynamique tout à fait normale de la vie économique, c'est intégré. Hein? Il y a toute une pensée, là, et je réfère ici à un livre là, très intéressant qui s'appelle « Capitalisme et pulsion de mort » de Gilles de Staller et Bernard Maris. paru il y a quelques années, qui montre comment la dynamique capitaliste dans son ensemble est nourrie par cette pulsion de mort dont il parle et qui pousse la machine à détruire et à s'auto-détruire. Donc, pour pouvoir survivre, à recréer, à reconstruire sur la destruction, donc être dans une logique de croissance. Or, cette logique-là d'autodestruction, de peur, de pulsion de mort, c'est effectivement ce qui est à la base de la dynamique capitaliste. Et elle table sur les deux grandes causes de la peur, c'est-à-dire d'une part l'inconnu et d'autre part l'ignorance. Hein? On fait face à de l'inconnu, à de l'incertitude, et on ne connaît pas bien, là, quand je dis « on », c'est le peuple, monsieur, madame, tout le monde, on ne connaît pas bien les mécanismes économiques, les enjeux, etc. Donc, on est coincé dans, ou on accepte d'être coincé dans une logique de peur qui fait en sorte que on accepte des discours de vérité idéologique, des prises de position, des prises de pouvoir économique qui nous apparaissent inévitables, inéluctables et contre lesquelles on ne fait rien, en partie à cause de cette peur-là. Mais dans les relations économiques, même ceux qui sont au fait, qui sont au courant du fonctionnement des mécanismes, utilisent la peur quand même pour leur propre fin, faire monter leurs actions, etc. C'est vrai, je pense qu'il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, il y a une utilisation, comment dire, inconsciente, parce qu'elle est tellement ancrée dans la dynamique économique qu'elle n'a pas besoin d'être explicitée, même on n'a pas besoin d'en avoir conscience. Mais il y a aussi des arguments ou des mécanismes qui sont introduits pour créer le sentiment de peur. Par exemple, l'entreprise qui va jouer sur la menace de délocalisation de ses activités ou de la concurrence étrangère, etc., pour imposer des conditions de travail à ses employés. Hein, là, c'est vraiment explicite. Dans les négociations collectives, on dit, ben là, on n'a pas le choix. Toujours cet argument de vérité, hein, on n'a pas le choix, c'est inéluctable. Étant donné la concurrence étrangère possible, vous devez accepter des diminutions de salaire ou à tout le moins pas avoir de hausse de salaire ou des mesures pour augmenter la productivité, etc. Donc, on table sur un danger. Donc, une inconnue, un danger futur potentiel, et parallèlement, j'oserais dire, c'est un peu caricatural, mais quand même, parallèlement, également, on joue sur l'ignorance des travailleurs qui peuvent être démunis, ne pas avoir d'arguments pour contrer cette espèce de discours, encore une fois, d'inéluctabilité qui est utilisée. Mais j'ajouterais que, comme je disais, il y a comme deux grandes causes à cette part-là, c'est à la fois l'incertain, là, donc ce qu'on ne connaît pas de l'avenir, mais aussi notre ignorance et la complexité croissante du monde économique fait en sorte que ces deux causes-là sont amplifiées. Hein. C'est de plus en plus incertain. On est dans une société de plus en plus avec des risques qui se multiplient. On peut pas prévoir 6 mois d'avance ce qui va se passer dans nos économies. Et donc, notre ignorance, parce que notre compréhension de cette complexité-là est de plus en plus difficile, elle aussi croît. Donc, notre ignorance croît elle aussi. Alors, malgré tous les progrès qu'on a soi-disant accomplis depuis le début du capitalisme, on n'a jamais vécu dans un monde aussi épeurant, aussi terrifiant et incertain en quelque sorte. Oui, et même ceux qui ont peut-être des conditions qui font qu'ils ont un peu moins peur, je pense au régime de retraite, entre autres, à prestations déterminées, on les envie, on les jalouse. J'ai envie de vous poser une question un peu plus, un peu plus générale. Là. Comment on fait pour avoir moins peur? Là? Les gens nous écoutent là, depuis tantôt, ils disent, oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour avoir moins peur? On fait comme les enfants à la rue, on se cache dans le garde-robe. Mais je pense que, je reviens à mes deux causes, hein, les deux causes fondamentales de cette peur-là, l'incertitude et l'ignorance. Donc, il faut essayer de les amoindrir. Hein, donc, d'amoindrir l'incertitude, d'amoindrir l'ignorance. Hein. Roosevelt, quand il a pris le pouvoir en 1933, son discours d'investiture qui est resté célèbre, disait « La seule chose dont nous devrions avoir peur, c'est la peur elle-même. » Donc, c'est diminuer cette peur-là. Bon, diminuer l'incertitude, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Il y a des actions, comment dire, qu'on peut faire par nous-mêmes. Hein? Bon, réduire notre endettement, s'interroger à notre capacité à vivre, comment dire, avec moins de contraintes économiques, tisser davantage de liens de solidarité, des groupes d'entraide, etc. dans notre communauté. L'action politique peut favoriser cette diminution d'incertitude, mais c'est sûr qu'on a un peu moins d'emprise là-dessus. Moi, je dirais que comme citoyen, ce dont on doit faire, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire, pardon, c'est agir sur la deuxième cause de cette peur-là, donc l'ignorance. Donc, réduire notre ignorance en s'informant, en lisant, en essayant de comprendre c'est quoi les vrais enjeux économiques, c'est quoi la mécanique derrière. Il y a plusieurs de mes confrères un peu partout dans le monde, et parmi les plus prestigieux, comme Stiglitz, comme Krugman, comme Jorion en France, etc., qui multiplient la publication d'ouvrages de vulgarisation des mécanismes et de la dynamique économique, mais s'informer pour mieux comprendre les enjeux. Déjà, on va avoir une prise au moins sur la compréhension de ce qui se passe, et ça va nous permettre, dans un deuxième temps ou parallèlement, d'agir comme citoyen, d'agir dans nos communautés, d'agir dans le jeu politique pour essayer de changer les choses et atténuer cette logique-là, en quelque sorte. En terminant, imaginez une économie sans peur, ça serait tout un défi comme travail étudiant pour les futurs économistes. Plus sérieusement, est-ce que l'enseignement, vous parliez d'ignorance, là, est-ce que l'enseignement de l'économie, de ce que vous en connaissez, tient assez compte des sentiments humains? Des sentiments humains, bien, en quelque sorte, c'est la base de toute la pensée économique traditionnelle. Je vous pose la question parce qu'on a parfois l'impression que l'économie, se veut une science exacte, mais les humains sont tout le contraire. Tout à fait. Après, ce que j'allais dire, c'est que l'économiste s'est formé pour essayer de réfléchir comment les gens agissent selon leurs désirs, leurs besoins, etc. Mais ce que l'économie classique a beaucoup discuté et intégré, c'est justement cette notion d'incertitude absolue. C'est cette notion, il y a des avancées qui ont été faites dans les réflexions là, énormes, mais quand même, on a beaucoup de difficultés à intégrer ces notions très, très, très, très irrationnelles, en quelque sorte. On postule la rationalité du comportement. Or, face à la peur, on n'a pas un comportement rationnel, que cette peur soit économique ou qu'elle soit d'une autre nature. Donc, effectivement, l'économiste, classiquement, est mal outillé pour bien réfléchir à ces notions-là. Mais je pense que il y a de plus en plus de place à ce genre de réflexion-là et à une vision un peu plus complexe du comportement humain en termes économiques, effectivement. Eh bien, souhaitons que c'est ce que l'on fasse dans le cas de ceux qui apprennent actuellement l'économie, ceux qui sont qui font des baccalauréats, des maîtrises, des doctorants en économie, là, qui réfléchissent sur les dimensions humaines de l'économie. Merci beaucoup. Il y en a, oui. On pourra peut-être même, d'ailleurs, donner quelques exemples là, sur notre blog. Oui. Merci beaucoup, Yannick Marcil. Je rappelle que nos auditeurs qui veulent en savoir davantage sur vous peuvent se rendre sur votre site principal, Yannick, I-A-N-I-K, Marcil, M-A-R-C-I-L.com, Yannick Marcil en un seul mot. À une prochaine. À bientôt et joyeux Halloween. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était l'économiste Yannick Marcil. On écoute justement la chanson Économie. Après cette pause musicale, Claude Vaillancourt va nous entretenir d'un projet jusqu'ici tenu secret d'accord entre le Canada et la Chine. Un projet d'accord qui fait peur. Donc, on écoute la chanson Économie de Thierry Stremler. Oh, oh! D'économie, salon de l'économie. d'économie. Tableau d'économie, labo d'économie, bureau d'économie. Voilà, c'était Thierry Strimler, Économie. On passe maintenant à l'éditorial de Claude Vaillancourt. Claude Vaillancourt qui fait porter son éditorial sur l'accord avec la Chine. On l'écoute. Le gouvernement Harper vient de sortir encore quelque chose d'une boîte à surprises. Il s'agit d'un accord sur l'investissement avec la Chine. Son nom officiel, l'accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers, APIE, entre le Canada et la Chine. On commence à connaître un peu trop ces drôles de patentes que sont les accords sur la protection des investissements. Ces genres de traités qui permettent à des compagnies de poursuivre les gouvernements si elles se sentent lésées dans leur liberté de commercer. Les litiges sont traités par des tribunaux d'experts, des tribunaux non transparents. C'est le fameux chapitre 11 de l'ALENA qui a permis par exemple à la compagnie Abitibi Bowater d'obtenir le joli montant de 130 millions de dollars payés à même nos taxes pour une soi-disant expropriation à Terre-Neuve. Les gouvernements peuvent être poursuivis à tout moment, mais les compagnies quant à elles n'ont ni obligation ni responsabilité légale. Tout pour les compagnies, rien pour les États. On peut se demander quelle sorte de démocratie permet ça. Notre gouvernement les multiplie, ces ententes inacceptables. On retrouve aussi ce genre de disposition dans l'accord de libre-échange qui est négocié présentement entre le Canada et l'Europe. Notre gouvernement devrait plutôt revenir sur Terre et refuser ces dispositions sur les investissements, comme le font, par exemple, l'Australie, la Corée et l'Afrique du Sud. Imaginez la situation. On est déjà lié par ce genre de disposition avec les États-Unis. Si on continue avec l'Europe et la Chine, ça veut dire que les compagnies des trois plus grandes puissances au monde, là où il y a la plus forte concentration de multinationales, ben ces compagnies vont pouvoir poursuivre le gouvernement canadien s'il prend des mesures qui ne font pas leur affaire. C'est donc une perte considérable de souveraineté et c'est totalement inacceptable. Plusieurs aspects sont inquiétants dans cet accord. D'abord, l'accord a été négocié dans le plus grand secret, à l'abri de tous les regards indiscrets, selon les tristes habitudes du gouvernement Harper, mais celui-là peut-être encore plus que les autres. Il s'agit d'un accord énorme, complexe, avec des conséquences considérables. Or, le gouvernement Harper ne prévoit même pas qu'il soit voté ni discuté au Parlement, ce qui soulève à juste titre les cris offusqués de l'opposition, plus particulièrement du NPD et du Parti vert. Cet accord touche aussi les municipalités et les provinces. Il semble évident qu'elles n'ont pas été consultées, ce qui ne respecte pas, à ce que je sache, la Constitution du Canada. Cet accord n'est pas réciproque. L'accès des compagnies chinoises au Canada est beaucoup plus grand, beaucoup plus facile que celui des compagnies canadiennes en Chine. Pour dire les choses simplement, on se fait carrément avoir. Et il ne faut pas oublier qu'il est presque impossible de revenir sur un accord une fois qu'il est conclu. Difficile de comprendre les motivations de Stephen Harper de négocier un accord qui semble aussi mauvais. Est-ce que son aveuglement idéologique en faveur du marché complètement libre est tellement grand qu'il est prêt à tout ouvrir sans se préoccuper de la réciproque? Est-ce qu'il veut tellement exporter le pétrole et les matières premières qu'il est prêt à transformer le Canada en bar open sans réfléchir aux conséquences? Est-ce qu'il ne serait pas tout simplement tombé sur la tête? Le NPD et le Parti vert sont résolus à mettre tout leur poids dans la balance pour au moins lancer un débat démocratique qui nous permette de comprendre cette chose monstrueuse qu'est cet accord entre la Chine et le Canada.

Nous sommes de retour. L'émission Conte de fées, c'est celle qui suit notre émission. Elle est animée par Olivier Vu. Nous sommes de retour. Donc, vous écoutez le Grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Je signale aux personnes intéressées, en passant, que nous avons 7 numéros de la revue Vie économique, paradis fiscaux, une injustice fiscale à votre disposition pour la somme de $7.10 par la poste ou de $5 en personne. Nous pourrions faire la livraison en personne, même si vous êtes à Québec. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou à l'adresse attaque.capital, attac.capital.le. À commercial, gmail.com. Cette semaine, donc, notre invité, Bernard Rioux, ainsi qu'André Frappier, lançait l'ouvrage « Le printemps des carrés rouges », un ouvrage édité chez M Édition au Café Babylone. C'est un ouvrage, enfin, à moins que je me trompe, vous pourrez me corriger, Bernard Rioux, c'est un ouvrage à 6 mains, si l'on peut dire, parce qu'il y a un troisième auteur, Richard Poulin. Bernard Rioux, bonjour. Oui, bonjour. Tout à fait, puisque on l'a fait vraiment en collaboration. Je dirais que c'est pas un ouvrage qu'on a divisé en parties. Au contraire, l'ensemble de la rédaction a été fait en coopération. Justement, avant de passer au contenu de l'ouvrage « Le printemps des carrés rouges », j'aimerais que vous nous parliez du collectif des auteurs. Pourquoi ce collectif? Pourquoi y avoir participé? Qui sont les deux autres auteurs aussi? Oui, André Frappier et moi, on est membres du comité de rédaction de Presse 3 à gauche. Et bien sûr, on participait aux actions et on suivait le mouvement étudiant avec un intérêt absolument... avec passion, je dirais. Et comme nous tous. Oui, comme tout le monde, dans le fond. Puis on pourrait dire que tout le monde a été un peu secoué, transformé par ce mouvement-là. Et Richard Poulin a proposé André, puis André me l'a proposé d'écrire ce livre-là parce que on pensait absolument essentiel de rendre compte de ce mouvement, de participer, au travail de mémoire qui est nécessaire parce qu'il y a tellement de leçons ou une importance tellement historique à ce mouvement que ça voulait la peine d'y consacrer quelques énergies pour en rendre compte. André Frappier, il est dans la vie, il est? À l'heure actuelle, il est retraité, mais ça a été un militant du mouvement syndical. Il a été président du syndicat des postiers dans la région de Montréal. Donc il connaît très bien le mouvement syndical. Et vous-même, Bernard Rioux? Moi, je suis aussi retraité. J'étais enseignant au cégep puis à l'éducation des adultes pendant une trentaine d'années. Ah, c'est remarquable de voir effectivement des gens qui ont consacré toute leur vie au travail, mais qui ont milité aussi toute leur vie pour suivre cet engagement social pendant leur retraite. Richard Poulin, il est éditeur, c'est ce que j'ai compris. Oui, Richard Poulin est un enseignant à l'université à Hull. Et il est surtout connu parce qu'il a fait produit nombre de livres, particulièrement sur la prostitution et comme phénomène international. Et alors, c'est un spécialiste dans ce domaine. Bon. Quel impact... une première question d'abord. Pourquoi avoir débuté par le contexte international votre ouvrage? Ben, je pense que on peut. C'est la volonté. On voulait rendre compte du mouvement et de ses actions, mais on voulait comment comprendre les sources, les origines, et on ne pouvait pas comprendre les sources et les origines de ce mouvement-là sans le replacer, selon nous, dans le contexte international. Alors, effectivement, la politique menée par le gouvernement Charest, cette politique d'austérité, cette politique de généraliser la tarification et la privatisation des services sociaux, mais ça s'inscrit dans dans la politique actuelle, dans la réponse que les classes dominantes à travers le monde, et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, font à la crise qu'ils connaissent, et particulièrement à l'approfondissement de la crise depuis 2008. Et leur réponse, c'est l'instauration d'une austérité permanente, une attaque contre les acquis populaires, c'est une remise en question des services sociaux. Et donc, c'est ce contexte-là qui peut expliquer, je dirais, la réalité et la dureté de ce gouvernement. Donc, parler du contexte international, c'était... Puis aussi, bien sûr, de la résistance, parce que c'était aussi ça, c'est-à-dire que ce soit le printemps arabe, toute l'immobilisation en Tunisie, en Égypte... L'Espagne aussi. Que ce soit l'immobilisation en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, etc. À New York, et bien sûr, tout le mouvement des occupés. Il y avait un contexte international qui inspirait et qui participait de la définition de ce qu'allait être le mouvement étudiant dans ce printemps 2012. Rapprochons-nous un peu de notre sujet. L'impact de la montée du néolibéralisme sur l'éducation, quel est cet impact? Alors, c'est sûr que le néolibéralisme, et on insiste là-dessus, on a un chapitre là-dessus dans notre livre, le néolibéralisme, c'est pas simplement le fait d'imposer des frais de scolarité. Le néolibéralisme, c'est une conception de l'éducation, où les savoirs valorisés, c'est des savoirs qui sont immédiatement utilitaristes, c'est des savoirs qui peuvent immédiatement être réinvestis au service de l'entreprise, et donc il faut réussir à placer l'ensemble de ces savoirs-là comme dominant complètement l'ensemble de l'appareil scolaire et particulièrement de l'université. Et on voit que les frais de scolarité s'inscrivent dans une démarche d'orientation par l'endettement. Et ça, c'est important de comprendre ce concept-là. C'est-à-dire que si les gens doivent voir leur formation comme un investissement et ils doivent investir dans les secteurs où ils peuvent espérer pouvoir tirer des salaires importants. Et donc, effectivement, en mettant l'endettement, on limite les marges de manœuvre, les marges de liberté, et on essaie d'envoyer l'ensemble, de planifier les choix, de contrôler les choix vers une orientation qui est centrée, effectivement, sur ce savoir utilitariste. Bon, mais donnons un exemple. On veut moins des gens qui s'orientent en littérature, en théâtre, et dans les activités culturelles, en philosophie, en anthropologie, etc. Tout le développement du savoir critique, de la sociologie ou à d'autres niveaux n'importe moins que des savoirs qui peuvent être immédiatement réinvestis. Bien sûr, il faut avoir aussi cette dimension, mais c'est le caractère unilatéral de la démarche de la compréhension de l'éducation néolibérale qui pose problème et on voit les moyens qu'ils le font. Alors ça, c'est ce problème-là qui fait que, bon, on voit que les facultés universitaires maintenant portent le nom de grandes entreprises. C'est un peu le reflet de toute cette dynamique qui s'est imposée. Vous en venez aussi dans votre ouvrage au déroulement comme tel des événements et vous êtes plutôt dur envers le mouvement syndical. Pourquoi? Nous ne sommes pas durs envers le mouvement syndical. Nous pensons, notre approche, c'est de faire une distinction entre le mouvement syndical et les stratégies qui sont mises de l'avant maintenant par les directions syndicales actuelles. Alors ça, c'est très important à comprendre, c'est-à-dire que le mouvement syndical pour nous est absolument fondamental, important dans la lutte et puis que c'est le grand mouvement de résistance dans l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et on n'a pas de problème là-dessus. Le problème qu'on a maintenant, c'est que la stratégie qui, à l'heure actuelle, est la stratégie dominante, c'est la croyance en une possibilité de concertation sociale avec la classe dominante, alors qu'elle est à l'offensive. Et à cause de cette croyance-là qui conduit à un certain bon-ententisme, cette croyance-là à la possibilité de concertation sociale, on ne crée pas, on a été vers un syndicalisme qui a renoncé à des traditions majeures qui existaient dans le mouvement syndical québécois, les traditions du syndicalisme de combat et de masse. Et je pense que ce syndicalisme-là qui est l'héritage, je parle du syndicalisme maintenant qui est plus un syndicalisme d'affaires où effectivement l'investissement financier dans de fonds de solidarité, etc., devient quelque chose qui forme les responsables syndicaux, mais ça n'est plus adéquat, ça ne correspond pas à la capacité de riposte qu'on doit construire pour faire face à l'offensive. On l'a vu avec le gouvernement Charest dans toutes les offensives, on l'a vu avec le gouvernement Harper qui met loi après loi contre le mouvement syndical. Donc à l'heure actuelle, toute cette logique de concertation sociale est une logique qui pour nous a constitué un blocage avec la possibilité de faire une jonction avec ce mouvement de masse-là et de pouvoir déboucher sur une lutte d'ensemble plus considérable qui aurait permis d'arracher vraiment les revendications qui sont mises de l'avant, non simplement par le mouvement syndical, mais aussi par la coalition contre la privatisation, les tarifications des services publics. Alors c'est ça qui est l'enjeu. Ce que nous, on essaie de faire dans notre livre, c'est de dire, mais quels sont les débats qui doivent être menés dans le mouvement syndical pour qu'on puisse concevoir, qu'on puisse voir, pour que puisse devenir à portée de main ces alliances et c'est ce front commun d'ensemble qui ne s'est pas réalisé malgré le fait que des secteurs du mouvement syndical ont apporté l'appui, là. Mais c'est toute la dynamique d'ensemble, d'une lutte d'ensemble qui n'a pas été donnée, qui ne s'est pas réalisée. Et elle ne s'est pas réalisée fondamentalement à cause des stratégies qui sont à l'heure actuelle dominantes dans le mouvement syndical. Parlez-nous du mouvement étudiant maintenant. Qu'est-ce qui a fait sa force malgré la répression quand même qui a été assez sévère? Oui, le mouvement étudiant a été absolument important pour toute une série de choses. D'une part, le mouvement étudiant a réussi à déconstruire le discours dominant pour un secteur absolument important de la population. L'idée, là, bien sûr, c'était une lutte, mais l'idée que l'éducation gratuite, on demandait le gel, c'était le sens du mouvement, mais l'idée même de l'éducation gratuite est une chose nécessaire, que les choix fiscaux qui sont faits, puis les choix de dépenses qui sont faits, sont pas les choix majeurs. On voit comme un universitaire comme Rocher qui revient avec l'idée qu'il avait déjà défendue, même si ça n'avait pas été retenu au moment du rapport Parent dans les années 60, que la gratuité scolaire, c'est un investissement majeur pour une société, que c'est important. Alors, on a vu ce travail de déconstruction du discours dominant. Ce discours-là, du mouvement étudiant, parce qu'il a duré, a réussi à s'imposer. Pas dans l'ensemble de la société, mais dans un secteur important de la société. Alors ça, c'est une force, c'est la première force. Peut-être une petite parenthèse en passant, les libéraux de Jean Lesage prônaient la gratuité scolaire d'ailleurs eux-mêmes. Mais ils n'ont pas retenu cette idée-là. Il y avait la gratuité scolaire à certains niveaux, mais pas à tous les niveaux. Alors, c'est, mais effectivement, quand on regarde pour les niveaux primaires, secondaires, etc., c'était important. On avait un projet de société à l'époque. Il y avait un projet de société à l'époque. L'autre chose, je pense, qui est important, puis ça, c'est ça, il faut réfléchir à ça parce que c'était essentiel, puis c'était une leçon majeure, c'est le caractère démocratique du mouvement étudiant, particulièrement dans sa composante majoritaire, c'est-à-dire l'AC. Alors, on voit que l'utilisation de la démocratie directe, les assemblées générales fréquentes, le fait que les porte-paroles se sentaient mandatés par ces assemblées et qu'ils devaient revenir à ces assemblées, ben c'est tout ce fonctionnement de démocratique était majeur et dans la force du mouvement et dans son unité. Et d'autant plus que même on voyait les médias puis les journalistes en arrivant n'arrivaient pas à le comprendre. Ils appelaient les porte-paroles du mouvement à faire ce que les autres porte-paroles de la société font, c'est-à-dire ne pas respecter leur assemblée, aller plus direct, les court-circuiter, etc. Alors que le mouvement étudiant et ses porte-paroles ont été exemplaires à cet égard. Et on voit que la démocratie directe qui s'est manifestée dans le mouvement est plein de leçons pour l'ensemble des mouvements sociaux. Il est plein de leçons et surtout, il manifeste cette idée que c'est dans la démocratie qu'on réalise l'unité et c'est dans l'unité et la démocratie qu'on peut arriver à au caractère absolument massif et impressionnant de ce mouvement, à un mouvement qui peut durer, un mouvement qui a été courageux et opiniâtre et qui a réussi à faire percoler ses idées dans des secteurs majeurs de la société malgré tout le brouillage médiatique qui essayait de cacher ses leçons. Une dernière question, comment entrevoyez-vous l'avenir? Bon, bien sûr, se dire que la lutte va continuer, mais nous ne sommes plus à un sommet de cette lutte-là. Il est clair que les différents secteurs du mouvement étudiant vont se redéfinir sur des bases plus proprement organisationnelles, mais on ne sait pas. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce que va donner les positions que va prendre le gouvernement. À l'heure actuelle, ce qui est assez, ce qui filtre, c'est qu'il serait pour une indexation des salaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas pour le gel des salaires, encore moins pour la gratuité, je pense. Des frais de scolarité. Des frais de scolarité, excusez-moi. Et en plus, ils sont minoritaires. Et en plus, ils sont minoritaires. Donc, puis en plus, on rentre dans une situation de crise. Économique, on voit un ralentissement important. Alors, quelle va être la situation à l'hiver prochain? Comment le gouvernement va pouvoir réaliser son objectif du déficit zéro? Quelle coupure? Quelle remise de temps? Est-ce qu'on va voir le fait de remettre à plus tard même l'indexation? Ce qui est assez clair, c'est que le mouvement a fait une série d'expériences, a dégagé un nombre absolument considérable de militants qui ont connu des expériences majeures en termes d'auto-organisation. Alors, ils pourront réinvestir ces expériences parce que le cadre néolibéral dans lequel fonctionne le Parti québécois, en plus sous la pression de la CAQ et des libéraux, fait que les revendications et les aspirations de la jeunesse ne seront pas livrées facilement. Eh bien, merci beaucoup Bernard Rioux. On a toute une génération, en tout cas, de leaders et de gens qui vont s'impliquer. Et bon, il y a quand même un certain optimisme qu'on peut conserver. À quel endroit peut-on se procurer le Printemps des Carrés Rouges? On peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies dans la région de Québec. Eh bien, merci beaucoup. On prend une petite pause musicale. Génération Z de DJ Org, Benito et Azazel. L'histoire d'une société qui tombe et qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer, se rassurer, se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, tout va bien, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, pas la chute, pas la chute. C'est l'atterrissage. Cavalier noir. That's why I write the shit I write in my rap. Mais quel monde on est en train de laisser à nos enfants. On sait même pas où sera l'humanité dans 100 ans. C'est peut-être pour ça qu'à mi-trentaine, j'ai pas descendant. Tout s'accélère, y'a pas de futur, on est déjà dedans. La solidarité humaine, tous les maillons scellent. La fin d'un cycle phénomène, génération Z. On pensera pour ce qui est de l'héritage notable. T'approchera pis qu'on pissera dans l'eau potable. 2012 watts, sexe, on est dans l'aliénation. Pousse, cache, sexe, on touche la cuisine nation. Une course contre la montre pour la privatisation. C'est le free for all, la planète en liquidation. Dans or, gaz de schiste, sort bitumineux. Uranium mine, c'est le sauf qui peut. L'humanité à la merci des corporations. Il va falloir monter les crocs pour avoir nos rations. Je prends moi. génération assez tant abandonné à leur sort. Du berceau jusqu'à la mort, on se crisse de demain, le tout pour aujourd'hui. On sacrifie l'instruction pour le profit. Les kids sont placés, trop souvent négligés, sont mal élevés, souvent trop gâtés, un manque d'affection. Le besoin d'écoute qui va leur montrer à se tenir debout, suivre leur propre route sans même être guidé. L'intelligence vient pas à force de consommer. Génération Z, DJ Org, Benito et Azazel, je vous rappelle que cette pièce, enfin je vous signale que cette pièce est tirée de la compilation Printemps érable, une compilation qui porte sur la crise sociale du printemps 2012 dont on parlait avec Bernard Rioux justement. Je vous rappelle que nous discutions avec de l'ouvrage Le Printemps des Carrés Rouges. Quant à la compilation Printemps érable, elle est gratuite et on peut la télécharger à l'adresse suivante: www.hiphopfranco.com/printemps-érable Alors, merci beaucoup Bernard Rioux. Voilà, maintenant, il y a un certain nombre de choses à surveiller cette semaine. D'abord, le 31 octobre, belle occasion, sur le terre-plein au coin de la rue Saint-Joseph et du boulevard Langelier, à la frontière des quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch, une activité intitulée « Une maison des horreurs ». La mauvaise qualité des logements est une menace à la santé et à la sécurité de beaucoup de locataires de Québec. Pour dénoncer l'insalubrité, la négligence de certains propriétaires et l'inaction des élus, et pour réclamer l'adoption d'un code du logement, le bail organise une activité pour Halloween, une maison des horreurs, si le cœur vous en dit. Vous pouvez même vous déguiser ou traîner avec vous un objet qui représente un problème de salubrité dans les logements. Pour des informations, pour en savoir davantage, contactez Jonathan Carmichael du Bureau d'animation et information logement, le bail, au 418-523-6167. Une autre activité, celle-ci, elle est récurrente, c'est tous les lundis jusqu'au 10 décembre, c'est de 19h à 21h à la Maison de la Famille, au 573 1ère Avenue à Québec. C'est 5$ par rencontre et c'est un atelier d'entraide sur le surendettement. Justement, on parlait avec Yannick Marcil de façon de vaincre de la peur en économie. Eh bien, ça, c'en est une. Donc, c'est un atelier d'entraide sur le surendettement organisé conjointement par la Maison de la Famille de Québec et le groupe de simplicité volontaire de Québec. Les dettes se sont accumulées, vous avez perdu le contrôle, vous vous culpabilisez, vous vous sentez victime, vous croyez que vous êtes seul dans cette situation. Eh bien, non. Vous n'êtes pas seul. Un groupe de partage sur le surendettement a été mis sur pied pour vous permettre de comprendre cette situation et de partager avec d'autres personnes qui ont la même situation, qui vivent la même situation que vous. Alors, c'est Jacinthe Cloutier, qui est diplômée en sciences de la consommation, qui est étudiante en psychologie, qui anime ce groupe, dans le respect afin que vous vous exprimiez le plus librement possible et en retireriez les plus grands bénéfices. Ça, c'est tous les lundis, c'est du 17 septembre jusqu'au mois de décembre. Voilà, c'était donc l'émission à surveiller cette semaine. Il y a sûrement plein d'autres choses à surveiller ici et ailleurs en province. Et moi, je vous invite à vous rendre à un site que nous aimons bien ici à Attaque Québec. C'est un site qui est un calendrier. C'est le réseau Forum social qui tient ce calendrier. Attendez un peu, je vais retrouver le nom du calendrier. En fait, c'est le calendrier de la démocratie en action. Enfin, je vais mettre un lien vers ce calendrier sur notre blog, legraindesableqc.org. Alors, c'est la fin de l'émission. C'était donc l'émission Le Grain de Sable. Merci à nos invités de cette semaine, Yannick Marcil, avec qui nous avons abordé l'économie de la peur. Merci à Bernard Rioux, un des auteurs de l'ouvrage Le Printemps des Carrés Rouges. Merci également à Claude Vaillancourt pour son éditorial, toujours aussi percutant. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ces enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attaque Québec, attaque